cadet. Combien de nuits j'ai passé à la belle étoile, en espérant qu'un jour tombe le voile, que mes désirs les plus fous finissent par être exaucés, qu'au bout du tunnel de la lueur je puisse m'imprégner. Si seulement tu savais les reproches qui m'ont été faits, parce que le sentier que j'ai emprunté des autres différait, personne n'y croyait. Bien que d'arrache-pied je travaillais, essuyer les revers en quelque sorte forge le caractère. Si seulement tu savais combien de fois nous sommes montés sur scène sans gagner la moindre scène. Mais qu'importe, porter le flambeau du hip-hop était pour nous la récompense qui n'en était pas moins intense. Si seulement tu savais combien de fois j'ai rassuré ma mère, lui promettant qu'un jour elle serait fière. Les as m'ont donné raison, j'aurais tout fait pour ma passion. Si tu savais, oh si seulement tu savais, si seulement tu savais. Ce qu'il nous a fallu accepter comme refus, en se disant qu'au fond rien n'est jamais perdu. Qu'au-dessus de nous, il y avait toujours de l'espoir. Tu connais notre histoire, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Si seulement tu savais ce qu'on disait de nous, votre musique de fou ne fera jamais un seul sou. Mais après tout, celle-ci ne vaut pas le coup de se dépenser. Mais pour qu'elle puisse exister, on l'a fait. Si seulement tu savais le nombre de barrières enjambées, reculer pour mieux sauter sans jamais céder face aux préjugés dressés à notre égard, lorsqu'on te prend pour un étranger dès le premier regard. Si seulement tu savais comment le comportement de ceux qui nous reniaient d'antan s'est vite évaporé dans le vent. Qui aurait cru, qui aurait pu s'imaginer qu'un jour la force de comprendre deviendrait réalité. Si seulement tu savais comment les choses ont changé. Les gens qui m'évitaient hier viennent aujourd'hui se présenter avec une attitude qui ne trompe pas. Ce n'est pas moi qu'ils voient, mais le personnage devant la caméra. Si seulement tu savais le nombre d'heures que j'ai passé à trouver des idées, les griffonner sur un papier, souhaitant profondément que de tous elles soient écoutées. Crois-moi à ma tâche, je me suis toujours appliqué. Si seulement tu savais les mythes collés à ma musique, je les laisse aux rêveurs, nous habitons tous en Amérique. Rien n'est gratuit, certains sont prêts à vendre leurs amis, les principes avant tout, même si demain rien ne me sourit. Si seulement tu pouvais voir les choses avec mes yeux, tu comprendrais que dans ce milieu, certains sont odieux, les apparences sont trompeuses, comme les faux amis qui te feront tomber d'une hauteur vertigineuse.